إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخير يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Troisièmement, celui, certes, qui obéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui rend l'unicité à Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'ibadah, il ne lui est pas permis l'alliance à ceux qui prennent comme ennemi Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ferait partie des plus proches. Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, dit selon le sens des versets, et tu ne trouveras pas parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent comme alliés ceux qui prennent Allah et son prophète, sallam, qui sont ennemis d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils étaient parmi leurs pères ou leurs enfants, ou bien parmi leurs frères ou leurs tribus. Cela, Allah tabaraka wa ta'ala, a prescrit dans leur cœur la foi et un esprit venant émanant de lui. Et il les rentrera au paradis dans lequel ils y resteront éternellement. Et cela, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ceux-là sont le parti d'Allah. Et n'est-ce pas le parti d'Allah qui sont ceux qui réussissent? Allahu Jalla wa Ala. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Allah tabaraka wa ta'ala, ici il s'agit d'al-walay wal-bara, l'alliance et le désaveu. Al-muslim, al-muwahid, huwa ya'budu Allah jalla wa ala, wahdahu la sharika lah, wa huwa mukhlis fi ibadati Allah azza wa jal, fi shahadatihi la ilaha illa Allah. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاته وزكاته وصيامه وحجه في كل عبادات هو مخلص لله عز وجل هو موحد ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يرضى من الشرك. كيف الإنسان الموحد يشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد الله جل وعلا ويشرك بالله عز وجل أو يسجد لله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى Al-Muwahid, celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala comme véritablement croyant, dans toutes ses adorations, quelle que soit l'adoration, il est sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala, il ne dédie cette adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Lakin hada la yakfi. Mais cela ne suffit pas. Al-wala wal-bara. Autant qu'il est d'accord avec le tawhid, autant qu'il doit être en désaccord avec al-shirk billahi azza wa jal. Il n'est pas permis à un croyant qui adore Allah azza wa jal d'accepter d'être d'accord avec ce qui va contredire ce tawhid, cette unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment quelqu'un il peut adorer Allah tabaraka wa ta'ala, faire sa prière pour Allah, se prosterner pour Allah et invoquer un autre qu'Allah. Et même si lui, il n'est pas dans shirk, il se doit de contredire al-shirk billahi azza wa jal. Tahdhir min al-shirk. Un croyant qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, il se doit de combattre le shirk bima yastati', comme il le peut. Il ne peut pas être d'accord avec al-shirk billah, le fait que Allah azza wa jal, un autre qu'Allah, soit adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, que des gens tournent leurs adorations vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quburiyoun, mathalan. ويشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويدعو الأموات هذا ليس بموحد هذا الشرك بالله عز وجل هذا هو ليس بموحد كما quelqu'un témoigne de la ilaha illallah et il invoque des morts ou même si lui il le fait pas il dit chacun il fait ce qu'il veut si eux ils veulent invoquer des morts ils invoquent des morts là تحذير من الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء أبوكي الله أدغي الله نسوسي rien avec الله الله عز وجل n'a pas parlé que d'accomplir واعبدوا الله واعبدوا الله واعبدوا الله il y a toujours cette partie النفي الإثبات والنفي الشهادة لا إله إلا الله لا إله النفي لا إله le vrai sens de لا إله إلا الله لا إله pas de divinité aucune لا c'est تحذير من الشرك إلا الله الإثبات أمر بالتوحيد dans la deuxième partie la première partie c'est l'obligation de dénuer toute forme de shirk et de combattre toute forme de shirk. Dans la deuxième partie, illallah, c'est la confirmation du tawhid. Et l'ordre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Ça veut dire que le muwahid, il rejette toute forme de shirk bi qalbihi wa bi lisanihi wa bi aqwalihi wa amalihi wa bi kulli shay. Tahdhir min ash-shirk. Même si ses parents sont mushrikoun, son père, sa mère, ses enfants, sa tribu, son clan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid est venu et il a divisé des familles. Naam. Le père et la mère ils étaient mouchriques et l'enfant il était mouahid. Ou bien les parents sont devenus mouahid et les enfants sont restés dans shirk. Mais un croyant ne peut pas témoigner de la ilaha illallah et être d'accord avec shirk ou bien laisser faire le shirk sans avoir au minimum le fait de détester shirk, biqalbihi, de son cœur. Parce qu'on ne peut pas, chacun a une place différente, et chacun ne peut pas combattre le shirk comme il le veut. Donc celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas être d'accord avec ceux qui adorent des tombes, ou des mausolées, ou qui vont voir des sorciers, ou des devins, et qui disent « Khair, Inch'Allah ». Ben eux, ils font ça « Khair, Inch'Allah ». Là, « Al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah ». Toute ta religion, elle est basée sur la ilaha illallah. Quelqu'un, tant qu'il n'a pas témoigné de la ilaha illallah, il n'est pas dans l'islam. Toute ta religion, elle est basée sur la ilaha illallah. Même tes convictions, elles sont basées sur la ilaha illallah. Ton amour, il est basé sur la ilaha illallah. Et le fait de détester, de rejeter, est basé sur la ilaha illallah. Al-amru bil ma'ruf, il est basé sur la ilaha illallah. Al-nahi anil munkar, il est basé sur la ilaha illallah. Ordonner le bien, c'est basé sur la ilaha illallah, sur le tawhid. Wa tahdhiru min ash-shirk. Interdire le mal, c'est basé sur la ilaha illallah. Et le plus grand bien que tu dois ordonner, c'est le tawhid. Et le plus grand mal que tu dois interdire, c'est le shirk. Sunnatullahi azza wa jal, fi kitabihi wa fi sunnati nabiyya alayhi salatu wassalam. Wa kulul anbiya wa rusul, yad'ouna ila tawhid, wa tahdhir min ash-shirk. Tous les prophètes ont fait la même da'wa. Appeler au tawhid et combattre le shirk sous toutes ses formes. Shirk al-akbar, wal-saghir wal-khafi. Le grand shirk, le petit shirk et le shirk qui est caché. قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في من في إبراهيم. Et vous avez certes un bel exemple dans Ibrahim. والذين معه. Et dans ceux qui étaient avec lui. إذ قالوا لقومهم, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, إن براء منكم. Nous nous désavouons de vous et de ce que vous faites. J'ai aimé un prophète, il a laissé le shirk devant lui sans rien dire. Mais il a bien mentionné, un prophète aurait pu rester dans son coin et dire, bon ben, ils font. Non. Il leur a interdit shirk, mais en plus, il leur disait quoi? Je me désavoue de vous et de ce que vous faites. Votre shirk, je ne le partage en rien. Ni dans la aqida, ni dans ma croyance. Wala bil qul, wala bil lisan, wala bil jawarih. Ni par mes actes, ni par mes paroles. Je ne conçois pas ash-shirku billahi azza wa jal. A'zamu min dhunub. Le plus grand des péchés. La chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il déteste le plus. Et la seule chose qu'Allah azza wa jal ne pardonne pas si l'être humain il meurt sur ça. Un être humain il meurt dans zina, il meurt dans sharab al-khamar, le fait de boire de l'alcool, ou de dukhan, ou cigarette, ou toute chose toxique. Le vol, dans le kadib, le mensonge, ou le riche, la tricherie, tout ce que tu veux. Il se peut qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela, il lui pardonne. Mais shirk billahi azza wa jal, la yaghfiruhu abada. Man mata ala shirk, celui qui meurt sur shirk, Allah azza wa jal, ne le fera pas rentrer au paradis, il lui interdit le paradis, et il ne lui pardonne pas, s'il ne s'est pas repenti avant de mourir. C'est la chose la plus grave. Et tu vois, dans certains événements, comme certains événements de maintenant, qui sont passés, qui vont revenir et qui sont déjà passés, où les gens se focalisent sur un munkar alors qu'il y a un munkar encore plus grand. Se focalisent sur un mal alors qu'il y a un mal encore plus grand. Et ce n'est ni toi, ni moi, ni qui que ce soit qui décide quel est le plus grand mal, c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui décide quel est le plus grand mal. Et le plus grand mal, il l'a désigné dans le Coran. Wa fi sunnati nabi alayhi salatu wa salam, ash-shirk billahi azza wa jal. Ashabu Quraish, pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah? Parce qu'un mushrik de Quraish, lorsqu'il entend la ilaha illallah, wa yafham al-ma'na. Il a compris tout de suite le ma'na. Il faut que je délaisse toute ibada. Toute adoration du cœur, de la langue, du corps, pour une seule divinité, pour un seul, wahdahu la sharika la, un seul sans rien lui associer. Tout ça, il faut que je ne tourne que vers un seul. Là. Alors, ils ne témoignaient pas. Ils ont compris le ma'na, la ilaha illallah, mais ils ne l'ont pas accepté. Wal muslimun liyum, يشهدون أن لا إله إلا الله وبعدهم يشركون بالله عز وجل. Et aujourd'hui, tous les musulmans disent la ilaha illallah, mais Certains d'entre eux adorent Allah par shirk. Bishirk billahi azza wa jal. Wa yusalli lillah wa ba'da salat yathbah li ghayrillahi azza wa jal. Ils font la prière. Dès qu'ils ont fini la prière, ils vont au pied d'une montagne, au pied d'un arbre, au pied d'une tombe, et ils égorgent pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une bête. Ils font la prière, et après la prière, ils vont sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien dans d'autres, ils vont dans des mausolées, des tombes qui se trouvent dans les mosquées, wali'adhu billah, hatta fit tawaf, jusqu'à ce qu'ils fassent tawaf autour de cette tombe. Wallah al-musta'an. التوحيد الكامل التوحيد complet parfait c'est celui qui n'accepte rien du shirk même si ces gens-là font partie des plus proches de lui le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa fi an-nar abu muhammad ibn abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam abuhu fi an-nar wa ummuhu fi an-nar subhanallah al-azim جاء الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم un compagnon est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم il pleurait il lui dit qu'est-ce que tu as dit mon père il est mort mushrik قال ان ابي واباك في النار في الصحيح il lui a dit ne pleure pas mon père et ton père sont en enfer سبحان الله العظيم من هو خليل الله عز وجل امام في التوحيد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام avec son père نوح عليه الصلاة والسلام avec son fils لوط عليه الصلاة والسلام avec sa femme آسيا عليه الصلاة والسلام زوجته مرأة فرعون la femme de فرعون avec فرعون مشرك Est-ce qu'ils ont fait des concessions par rapport à leur tawhid? Ils ont dit, khair, inshallah, ma'alish. Là. Et c'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il mentionne, kataba fi qulubihim al-iman. Il a prescrit dans leur cœur à cela la foi. Comment quelqu'un que tu aimes le plus au monde, tu admets que quelqu'un l'insulte? Ou que quelqu'un parle mal sur lui, ou que quelqu'un lui détourne le droit qui lui revient. Allah tabaraka wa ta'ala. كيف الموحد هو يحب المشرك ويجلس معه ولا ولا بدون النصيحة وبدون المصلحة. Est-ce qu'un موحد et un مشرك marchent ensemble avec la même croyance? Là, الموحد موحد. يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له والمشرك يعبد الله وغير الله عز وجل إلى دغ الله ينطق الله وامم أطق الله tout simplement comme il disait عبد الله بن مسعود رضي الله عنه la marche avec qui il aime ou qui lui ressemble donc le tawhid complet tu vois bien que Tu ne peux pas admettre que le tawhid et le shirk peuvent aller ensemble. Ma qala ba'du an-nas min ahli al-bid'a wa al-hawa wahdatu al-adyan l'unicité de trois religions. Ils te disent ce sont les mêmes. Al-yahoudi wa an-nasara wa al-muslimun wahdatu al-adyan. On réunit ces trois. Pourquoi ces trois religions d'unicité? النصارى اللي سكوا عيسى بن الله هذا شرك اليهود عزير ابن الله هذا شرك والمسلمون يقولون هم رسول الرسول رسول الله عليهم الصلاة والسلام quand aux musulmans ils disent ces deux là ce sont des prophètes d'Allah mais ce n'est pas ni les fils d'Allah ni Allah tabaraka wa ta'ala au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit 1 plus 1 plus 1 égale 1 ما هذا والله عجيب دين الله عز وجل الإسلام واضح c'est une religion claire il y a explication pour chaque chose الحمد لله رب العالمين Ta'budullah wahdahu la sharika lah. T'en adores un. Un, c'est un. Expliquer un plus un plus un égale trois. Mahad. في الإنجيل والتوراة في الآيات على التوحيد. Celui qui regarde l'Injil, on ne dit pas que c'est demandé de regarder. في الإنجيل والتوراة, il trouvera des versets dans la Bible et dans la Torah qui parlent de التوحيد. Le premier commandement qu'on a donné à Moussa عليه الصلاة والسلام, c'est quoi? اعبد الله ولا تشرك بالله ولا تشرك بالله عز وجل. Le premier commandement qu'on a donné à Moussa, c'est quoi? D'adorer Allah sans rien lui associer. Et après, il y a les autres commandements. Isa ibn Maryam, huwa Rasulullah. Wa ba'dahu, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset dans la Bible où il est mentionné que Isa aurait dit, maintenant il faut que je parte, sinon l'autre ne viendra pas. Et quand on demande Nasara, c'est quoi? C'est qui l'autre qui doit arriver, sinon, tant que je ne pars pas, il ne viendra pas. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il mentionne cette parole dans l'Injil, c'est bientôt l'heure d'être élevé au ciel, pour les chrétiens d'être crucifiés. Or, dans l'Injil, il est mentionné que Isa ibn Maryam, lors de son baptême, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Cela signifie qu'au moment où il dit cette parole, il est déjà descendu sur lui. Alors pourquoi est-ce qu'il dit, il faut que je parte, sinon l'autre ne viendra pas? Qui est l'autre? Man huwa? Wa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète a annoncé la venue de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Kadhalik Moussa fi Torah. Lorsque Moussa il dit au Bani Israël, puisque Moussa est envoyé au Bani Israël, il leur dit quoi? De vos frères sortira un prophète. Si tu les interroges là-dessus, ils disent, oui, de nos frères, c'est-à-dire nous. Si c'était vous, il aurait dit, d'entre de vous sortiront des prophètes. Et les Bani Israël ont toujours été choisis par Allah, tabaraka wa ta'ala, pour recevoir les prophètes. Illa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour toute l'humanité. De vos frères sortira un prophète. Il n'a pas dit d'entre vous, ou parmi vos descendants, non, de vos frères. Pourquoi? Parce que les Bani Israël, ils descendent de qui? Ishaq ou Ibn Ibrahim alayhi salat wa salam, qui est le fils d'Ibrahim. Mais Ibrahim, il a eu un autre enfant avec une arabe. Wa huwa ismu Ismaïl. Ismaïl ou Ishaq sont deux frères. Ce sont les fils d'Ibrahim. Or, un est parmi les Bani Israël et l'autre, min al-Arab, un parmi les Arabes. De vos frères descendra, viendra, sortira un prophète. وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et lorsque le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام il fut questionné sur sa venue, comment ta venue elle a été annoncée, il a mentionné عليه الصلاة والسلام, je suis la réponse de l'annonce de mon frère Isa et de mon père Ibrahim عليه الصلاة والسلام أجمعين. Celui qui prend cette religion, il accepte tous les prophètes d'avant. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a tous envoyés comme étant des prophètes et des messagers d'Allah. Mais il faut qu'ils comprennent que tous les prophètes et chaque messager, ils avaient la même aqida, mabniya ala at-tawhid, qui était basée sur la ilaha illallah wa at-tahdhir min ash-shirk. Jamais un prophète n'a laissé le shirk devant lui sans rien dire. Jamais un prophète n'a commis shirk billahi azza wa jalla. Comment quelqu'un il appelle au tawhid et il ferait du shirk en même temps? Les gens ne vont pas l'écouter. Les gens ne vont pas l'écouter. Lima taquluna ma la taf'alun? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est ça que les gens ils auraient dit à un prophète qui commet du shirk. Non. Les prophètes sont épargnés du shirk. Allah tabaraka wa ta'ala les a épargnés. Ils sont les meilleurs cœurs de l'humanité. As-sahaba radiallahu anhum. Regarde avec leurs parents. Abu Huraira radiallahu anhum, sa mère elle était chrétienne. Elle lui a dit quoi? Tu vas laisser cette religion, je ne mange pas et je ne bois pas tant que tu ne lâches pas ta religion. Abu Huraira il a dit, je ne lâcherai pas cette religion. C'est ou la ilaha illallah ou ma mère. La ilaha illallah. Et pourtant c'est sa mère. Alhamdulillah, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé qu'il fasse des doigts pour lui et sa mère. Et quand il est rentré chez lui, elle lui a dit « Assalamu alaikum, aslamtu. Je me suis converti à l'islam. » هذه نعمة بالأخلاق والأداب. Est-ce que c'est une raison pour être dur quand tu rentres chez toi avec ton père et ta mère s'ils sont mouchrik, ou avec ton frère et ta sœur s'ils sont mouchrik? La الدعوة دعوة إلى الله عز وجل بالعلم وبالأخلاق باللين والرفق وبالموعظة الحسنة. Appelle-les à l'islam, mais à l'islam authentique. Appelle-les à un seul, une seule divinité, Allah tabaraka wa ta'ala. Explique-leur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour expliquer, il faut déjà savoir. Si tu n'as rien et tu n'apprends rien, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Tu vas raconter des mensonges. Un mushrik, la plus grande chose qu'il lui faut, c'est at-tawhid. Un mouchrik, il a beau faire la prière, donner zakat, jeûner le mois de Ramadan, tout ce que tu veux, la yakhbir. Rien n'est accepté de lui, hatta yashhad an la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'il témoigne de la ilaha illallah. Alaykum salam wa rahmatullah. I'lam arshadak Allah li ta'atihi anna al-hanafiyya millata Ibrahim alayhi salatu wa salam. An ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Puis l'auteur continue en disant: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, c'est l'adoration d'Allah dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Millata Ibrahim, sache que Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, que tu adores Allah seul en toute sincérité, en lui vouant une religion en toute sincérité. Et par cela, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné tous les gens, il ne les a créés que pour cette chose-là. Comme Allah azza wa jalla a dit selon le sens des versets, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens d'adorer ici, c'est qu'ils le rendent yuwahidoun, qu'ils le rendent unique. La plus grande chose qu'Allah a ordonnée, c'est l'unicité. C'est l'unicité, de rendre Allah unique dans l'adoration. Et la plus grande chose qu'Allah interdit, c'est shirk, l'association. Qu'est-ce que l'association? C'est invoquer et adorer un autre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'est ce qu'Allah azza wa jalla a dit selon le sens des versets. Et adorer Allah et ne lui associer rien. I'alam arshadak Allah, ala al-mu'allif, i'alam rahimak Allah, i'alam arshadak Allah. On a déjà dit ça, c'était pour appuyer, hein, pour avoir le cœur du lecteur. Et que l'auteur, il mentionne cette chose-là, « Arshadaka Allah, yani al-istiqama an tariq al-haq ». C'est la droiture sur le chemin de la vérité. Donc sache qu'Allah te mette sur la droiture et le chemin de la vérité, et sur l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ta'a, yani, c'est-à-dire que qu'Allah fasse que tu sois dans ce qu'il a rendu obligatoire, et qu'il t'éloigne, et qu'il t'empêche de faire ce qu'il t'a interdit. أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام المبنية على الإخلاص لله عز وجل. Que la religion al-hanifiyya, c'est une religion pure, dédiée à Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans ostentation, sans shirk, sans rien, et aucun partage avec un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. ملة إبراهيم, que c'est la religion d'Ibrahim. Wa Ibrahim wa Khalil wa Rahman, qala Allah azza wa jal, wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Et comme Allah azza wa jal a dit, Ibrahim, Allah azza wa jal a fait d'Ibrahim son ami intime. Al farq bayna al habib. Quand tu dis al habib, hein, c'est un aimé, le bien-aimé. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas un autre. Ça peut dire que tu aimes lui, mais que tu aimes aussi un autre. Alors que le Khalil, c'est l'ami intime d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Khalilan, menhuma, Ibrahim alayhi salatu wa salam, wa Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Allah azzawajal a fait de deux prophètes un ami intime. Khalilullah azzawajal. Si aujourd'hui, al-makhlouq il al-makhlouq, d'une créature à une créature, tu entends qu'un tel c'est l'ami intime de Sheikh Fulan, wa huwa min kibar ulama, min ahl sunnah. Tu vois le prestige qu'il a. Had al-makhlouq il al-makhlouq. Kayfa al-makhlouq il al-khaliq. D'une créature à son créateur. L'ami intime de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. As-sahaba radiallahu anhum ba'duhum, certains d'entre eux ont reçu le salam de qui? D'Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha. Elle reçoit le salam de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches d'Allah Azza wa Jal par leur cœur et leurs adorations. وهو أبو الأنبياء il est le père des prophètes Ibrahim عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم الحنيفية le culte exclusif à Allah sache que c'est la religion du prophète Ibrahim عليه الصلاة والسلام والعبادة العبادة بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. Il y a l'adoration qu'on appelle qui est générale et l'adoration qui est spécifique. L'adoration générale, c'est le fait de se rabaisser pour Allah tabaraka wa ta'ala, mahabbatan wa ta'ziman, par amour et par grandeur envers Allah tabaraka wa ta'ala, en faisant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Et par quel moyen? Par le moyen de sharia, c'est-à-dire le kitab et le sunnah. Bifam salaf salih radiallahu ta'ala anhum. وأما المفهوم الخاص للعبادة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم الجميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. Quant à l'adoration spécifique précise, c'est ce que شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله a donné comme définition. L'adoration, c'est le nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime et qui l'agrée et qui est satisfait, que ce soit des paroles ou des actions, qu'elles soient apparentes ou cachées, comme la peur, la crainte, la confiance, la prière, la zakat, le monde légal, le jeûne ou toute autre adoration qui sont dans la loi de l'islam. Wal-ikhlas, même ma'na al-ikhlas. Lorsque tu sais que la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'. Nous ne leur avons ordonné que d'adorer Allah avec un culte exclusif. Certains minas salaf ils disaient la sincérité c'est que tu ne cherches comme témoin de tes bonnes actions qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne cherches pas un autre témoin de tes bonnes actions. D'autres, ils ont dit, Menas Salaf, cache tes bonnes actions. C'est quoi l'ikhlas? C'est cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Il n'y a aucun être humain qui aime que les gens ils sachent ses péchés. Eh bien, cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Fais en sorte que personne ne sait ce que tu fais dans l'ibad. Bain Allah ou bainak. C'est entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu fais tout ton possible pour que personne ne sache ce que tu fais. Tu donnes sadaqa sans secret. Tatloub al-ilm en secret. Il est connu عند السلف. Un, il lisait le Coran. Quand l'autre, il est rentré chez lui, il a caché le mushaf derrière lui. Pour pas qu'il montre qu'il lit le Coran. Hada wa l'ikhlas. De ne chercher comme témoin de tes bonnes actions qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu veux te confier, tu te confies en Allah. T'as une rage, une haine dans le cœur, t'as de la tristesse, t'as de la rancœur, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala. As-salaf al-salih, tellement ils étaient proches d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils considéraient Allah tabaraka wa ta'ala comme étant leur meilleur ami. Qu'est-ce que tu fais avec un meilleur ami? C'est le premier en qui tu te confies. C'est le premier en qui tu demandes de l'aide. C'est le premier sur qui tu t'appuies au moment de faiblesse. Lakin sahaba, toute leur confiance, toute leur espérance, toute leur crainte, ils l'ont mis en qui? En Allah tabaraka wa ta'ala, wahdahu la sharika la. Wa kadhalik Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim qu'on a jeté dans le feu pour son tawhid, on l'a jeté dans le feu, un ange il vient pour l'aider, il lui dit j'ai pas besoin de toi, moi j'ai besoin de celui qui t'a envoyé. Toi pour m'aider, il faut que tu demandes la permission d'Allah. Alors autant que je demande directement à celui qui te donne la permission. Où est le mouahid? Tawhidullahi azza wa jal. As-sahaba radhiyallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit donne-moi le meilleur verset du Coran, le plus grand verset du Coran. Qala ayat al-kursi. Il n'y a pas eu un grand temps de réflexion chez lui. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà à la base, il a une base qui lui dit que la meilleure des choses, c'est le tawhid. Donc dans le Coran, le meilleur verset, c'est celui-là qui va parler le mieux du tawhid. Et le plus de tawhid, ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ila akhiri. Dans ce verset, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il y a 25 attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dont 5 noms. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. T'as les 5 noms. Qui dit 5 noms, dit 5 attributs. Il reste encore 20 sifat. Ayat al-Kursi, qal. Aqidatuhu, mabniya ala al-Tawhid. Donc on voit bien que la plus grande des choses et la chose la plus importante, c'est le Tawhid. Pourquoi les gens ne changent pas? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il fait la prière. Et il n'a pas changé. Il est toujours dans son état avec les mêmes péchés et la même situation. Il n'a pas avancé dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps dans tout sauf Tawhidullahi Azza wa Jal. Ma'rifatullahi Subhanahu wa Ta'ala. Sa crainte, elle n'a pas augmenté. Son espérance en Allah n'a pas augmenté. Sa confiance en Allah n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les bases. Quand tu construis une maison, tu commences par un toit? Quand tu construis un bateau, tu commences par la cheminée d'en haut. Tu commences par quoi? Tu commences par les bases, l'usul. Quand on construit une maison, quand on construit une forteresse, quelque chose qu'on veut, on veut que ça dure et que ça tienne. On regarde quoi? Les bases. On creuse bien comme il faut, jusqu'au bout. On enlève tout ce qui ne va pas, tout ce qui est mauvais, tout ce qui pourrait corrompre cette fondation. Et on construit du solide, avec une base solide. Si la base elle est bonne, tout le reste de l'ibada et son islam il est bon. Si la base elle est fasida, elle est mauvaise, et bien toute l'adoration qui va suivre va être mauvaise ou bancale. Il lui manque les bases, at-tawhid. Il n'a pas mis tout sur la ilaha illallah. Et on trouve les gens qui viennent te dire, tawhid, tawhid, c'est bon. On va en parler combien de temps? Mais regarde, akhi, vous êtes toujours dans la même situation. Vos problèmes, vous ne les avez toujours pas réglés. Et Allah Azza wa Jalla ne vous changera pas parce que vous ne voulez pas changer. Allah ne change pas un peuple tant qu'il ne change pas ma bi anfusihim, tant qu'il ne change pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont en eux-mêmes? Dinullahi Azza wa Jalla, al-aqida wal-manhaj. Tout ce qu'on met devant toi, c'est du spectacle. Des feux d'artifice, comme on appelle ça. Du bruit, du bruit, du bruit. Pourquoi? À la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wah, il l'a basé sur Tawhid. Pendant 10 ans à la Mecque, il a appelé les gens au Tawhid et il a contredit le shirk. Et 3 ans à Médine. 13 ans, il l'a basé sur quoi? Sur Tawhid. Est-ce que les versets sur la prière sont descendus tout de suite? Est-ce que les versets sur le hijab, jilbab, ils sont descendus tout de suite? Est-ce que les versets sur siyam, sur le hajj, sur zakat, ils sont descendus tout de suite? Non. Des années après. Pourquoi? Parce qu'il faut la base d'abord. Tu veux que quelqu'un y change, tu veux que ton épouse elle change, ton époux y change, tes enfants ils changent, ton père et ta mère ils changent, il faut reprendre sur les bases. La ilaha illallah, at-tawhid wa at-tahdhir min ash-shirk. Or les gens ils veulent la facilité, le chemin le plus rapide. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a fait dua pour ses descendants, qu'ils aient le baraka, qu'ils aient ça, plein de choses. Pourquoi? Tant qu'il reste sur tawhid. Est-ce qu'il a vu le résultat? Le résultat, peut-être que toi, tu ne le verras pas. Peut-être que ton fils, il ne le verra pas. Et celui-là d'après, peut-être pas, mais il viendra après. Le prophète, il a patienté. Est-ce que le prophète, il a dit, je vais faire tawhid, après ça ne marche pas, ben on fera autre chose? Non, la da'wah n'a pas changé. Il y a un ange qui vient voir le fils Sahih al-Bukhari, un ange qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Allah Azza wa Jal te donne deux choix. Ou Rasoul, ou Malik wa Rasoul. Ou tu es un prophète, ou tu es prophète et roi. Qu'est-ce qu'il a choisi? Rasoul faqat, simple prophète. Et Jibril lui a fait comprendre qu'il avait fait le bon choix. Et même s'il s'était trompé, Allah tabaraka wa ta'ala l'aurait repris. Donc tu vois bien que la réussite, elle n'est pas dans fil mulk. Elle n'est pas dans la royauté. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a mentionné, Allah ne change pas un peuple tant qu'il ne change pas son gouverneur? Soual. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le verset fil ayah? Allah ne change pas un peuple tant qu'il ne change pas son gouverneur. Ou son roi, ou son président. La. Ma bi anfusihim. Tant qu'ils ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Al-aqida wal-manhaj. Allah al-musta'an. Fi shirk, fi l'ibadatul qubur, wa sihr. A'zamu min al-dhunub. Inda Allahi jalla wa'ala. Dans nos pays respectifs, malheureusement, on trouve quoi? Ash-shirk. Des gens qui adorent des tombes, qui font des pèlerinages, qui restent des nuits entières devant des tombeaux, en train d'invoquer un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des pèlerinages. Jusqu'à ce que j'ai entendu une fois, sans citer le pays, il a dit quoi? Il a dit ce pèlerinage sur la tombe de notre saint, ça vaut 7 fois le hajj à la Mecque. Mais ça, pour les gens qui entendent ça, ça ne leur fait rien. Ça ne leur fait rien du tout. Pourquoi? Parce que le tawhid, il n'est pas dans le cœur. Ils n'ont pas compris la gravité du shirk. C'est la chose la plus grave devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Et les gens interdisent tel munkar, tel munkar, tel munkar, et le munkar al-a'zam, ils ne l'ont pas interdit. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, il l'appelle l'ihya, et tu lui dis, wajib alik taqillahi azza wa jal, wa huwa yushriku billahi azza wa jal. Comme tu trouves des gens qui rentrent chez eux, ils ont appris que les sourates, les photos d'êtres vivants, c'était interdit. Ils rentrent chez eux, ils enlèvent les cadres, ils enlèvent tout. Alors que son père et sa mère, ils vont voir tel wali et tel saint quand ils vont au bled. Subhanallah. Ou c'est comme s'il verrait quelqu'un avec une subha, il lui dit « Takhil hadhi bid'a » et il vient de l'entendre d'invoquer un autre qu'Allah. Wallahi ajib. Là. Ta'aqida. C'est une révélation qu'Allah Azza wa Jal a ordonnée. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui te dit comment tu dois croire. C'est pas toi qui dois croire comme tu le veux. La sunnah, c'est une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala qui t'est parvenue par l'intermédiaire de son prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam afin de te montrer comment on adore Allah. Ce n'est pas toi qui adore Allah comme tu le veux. C'est toi qui décides ou c'est Rabbul Alamin? Subhanallah. Ajib. Et les gens veulent adorer Allah de la manière qu'ils veulent. Là. Alors ça sert à quoi le kitab et le sunnah? Et il y a ceux qui sont dans l'extrême. On prend que le kitab, le Qur'an et le sunnah. Et il n'y a personne qui commande. Pas de gouverneur, pas d'imam, rien. Comme ils ont fait à qui? Ali ibn Abi Talib. Al-Khawarij. Al-Khawarij, ils ont reproché ça à Ali ibn Abi Talib. Al-Hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah, ce n'est pas à toi de juger. Qu'est-ce qu'il a fait Ali ibn Abi Talib? Il a pris un mushaf, il l'a posé, il a pris un bâton, il a dit « Uhkum, ya kitab Allah, uhkum baynana ». Il a dit au Coran, vas-y, juge entre nous. Puisque vous dites qu'il ne faut pas des hommes pour juger. Ben vas-y, juge, toi kitab Allah, toi le livre d'Allah, vas-y, juge entre nous, et on attend. Ils sont tombés dans l'autre extrême, l'autre exagération, al-ghulu, d'un côté, ou al-ghulu de l'autre côté. L'exagération d'un côté et l'exagération d'un côté. Wa ahl sunnati wal jama'a sont au juste milieu. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas mentionné une autorité? L'autorité, elle est mentionnée. Que ce soit un roi, un gouverneur ou un imam dans une mosquée, ou Rabbul Bayt, le maître de maison. Subhanallah. Ma hada. La chose la plus grave, on la laisse. C'est pas grave. Et la chose la meilleure, on la laisse aussi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Les gens, ils se plaignent. Il n'y a pas de résultat. Même bien sûr, il n'y a pas de résultat, subhanallah. Les gens de cette communauté, aujourd'hui, ne réussiront que par ce quoi ont réussi ceux qui étaient avant nous. le prophète Mohammed sallam wa sahaba. At-tamassuk bil kitab wa sunna. At-tamassuk bil tawhid wa at-tamassuk bis sunna wa at-tahdhir min ash-shirk wal bid'ah. Wa at-ta'a wal ma'asi. Ces trois choses-là, ils l'ont gardé. L'unicité d'Allah, accroché à la sunna fermement, et être sur l'obéissance d'Allah. Ils ont délaissé al-ma'asi, les péchés. Les trois contraires de ces trois-là, dont tu dois t'écarter absolument, al-shirk, l'innovation, al-bid'a, ou al-ma'asi, les péchés. Ton islam, il ne sera pas authentique tant que tu ne seras pas avec ça. C'est ça la règle. Donc la plus grande des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, c'est at-tawhid. Et il n'a créé les hommes que pour ça. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Lorsqu'on te dit subhanallah, wallahi hadhihi al-aya wadiha. Ce verset il est clair. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. T'es un djinn, t'es pas un djinn. T'es un ins, min al-ins, ana min al-ins, tayyib. T'es un être humain, tayyib. Allah t'a créé pourquoi? Pour l'ibada. L'ibadah. Maintenant que tu sais pourquoi tu as été créé, à toi de te soumettre. Tayyib, kayfa abudullah. Maintenant que je sais que j'ai été créé pour l'ibadah, pour adorer Allah, eh bien je pose une autre question. Comment je fais pour adorer Allah? Moi je ne sais pas. Ta'abudullah bil kitabi wa sunnah. Wa fi nabi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana. Eh bien ça, tu as le meilleur des exemples. Qu'Allah t'a envoyé, c'est son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas adorer de telle manière. Tu vas faire la prière de telle manière. Tu vas donner le zakat de telle manière. Tu vas jeûner de telle manière. Tu vas faire ton pèlerinage de telle manière. Comme l'a enseigné le prophète sallam. Allah tabaraka ta'ala ne nous a pas laissé comme ça. Donc à partir du moment où tu sais pourquoi on t'a créé, eh bien c'est ça le but de ta vie. C'est pas de tourner à droite et à gauche et d'avoir aucun but. Subhanallah, kana ahadu min al-musharikin, kana musharikan. Il a dit, j'ai payé, j'ai donné des millions et des millions pour trouver le repos du cœur. J'ai acheté des voitures, des maisons, il a acheté la dunya. Mais je ne savais pas que le repos du cœur, il était gratuit. Où? Dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. As-sakina wa salama fil qalb bit-tawhid wa sunna. Wallahi, celui qui reste accroché au Coran à la sunna, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a promis? Qu'il soit un homme ou une femme, et il adore Allah sincèrement, hayatan tayyiba. Nous lui avons promis quoi? Nous lui promettons quoi? Une belle vie. Ça veut dire le repos, même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien, son cœur, il est reposé. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a mis quoi? As-sakina fil qalb. Bat-taqwa Allahi Azza wa Jalla. Wal-ilm. Man huwa min ahli sunnah kal jibal. Quelqu'un qui est à la sunna, si vous prétendez d'être des gens de la sunna, il est comme une montagne, disent les ulama. La montagne, il peut pleuvoir, il peut grêler, la grêle, la pluie, l'orage, la tempête, tout ce que tu veux. Quand tout est fini, ta montagne, elle est encore là. Elle n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'elle est solide. Allah tabaraka wa ta'ala, combien de fois il a mentionné la montagne dans le Coran? Les montagnes comme des pieux. Pourquoi comme des pieux? Fit tafsir ibn Kathir, comme des pieux afin d'équilibrer la terre et qu'elle ne se déséquilibre pas, qu'elle ne bouge pas. Donc la montagne c'est quoi? Pour voir comment elle est, hein? C'est la chose la plus solide. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a parlé à Moussa, Moussa il lui a dit, je veux, montre-moi. Fais que je puisse te voir. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit? Regarde la montagne. Il a pris la chose la plus solide dans cette dunya. Si la montagne elle reste debout, tu me verras. Si elle reste pas debout, tu me verras pas. La montagne elle s'est effondrée. Allah tabaraka ta'ala a pris la chose la plus dure, la plus solide dans cette dunya. Wa as-sunni wa as-salafi min ahli sunnati wal jama'a. Man yafham al-kitab wa as-sunna bi fahm as-salaf huwa kal-jibal. Il est comme des montagnes. Une montagne solide, il ne bouge pas. Quels que soient les événements, ou un mutamassik bit tawhid wa sunna. Il reste accroché au tawhid et à la sunna. Il sait les choses les plus graves comme il sait les choses les meilleures. Il ne se laisse pas influencer par des courants de pensée ou par al-fikriyat, des manières de penser qui contredisent le Coran et la sunna. Il ne se laisse pas non plus influencer par la masse. Après, la majorité des gens, ils vont où? Ils vont où? Ils vont au feu, ya akhi. Fil jahannam, waliyadu billah. On a sallallahu alayhi wa sallam, wa salam. La majorité des gens vont au feu, pas au paradis. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si tu suis la majorité des gens, tu t'égareras. Si tu suis la majorité des gens, tu vas quoi? Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas rester sur le haq? Non. Tu vas t'égarer. Wa huwa Rasulullah, alayhi salatu wa sallam. Kayfa nahnu? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. كذلك الجن ليس الإنس فقط الإنس والجن. On trouve beaucoup parmi les gens qui ont peur des djinns. Pourquoi? Parce qu'ils leur font peur. Le djinn, c'est une créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée de feu, d'un feu sans fumée. Il l'a créé pourquoi? C'est quoi le but? Al-ibadah. Comme toi. Sauf que toi, tu ne le vois pas. Il l'a créé pour l'ibadah. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé les djinns, ils ont été créés avant nous, il les a créés pour qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Les djinns ont été créés avant nous, avant Adam alayhi salatu wa salam. Seulement, on sait que Adam alayhi salatu wa salam, c'est le premier des prophètes. C'est le premier des prophètes. Le premier être humain et le premier prophète. Comment les djinns ont-ils pu adorer Allah tabaraka wa ta'ala, sachant que le premier des prophètes, il arrive après eux? Naam. Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été questionné sur cette question, il a répondu, peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné une sharia directement à eux, spécialement à eux. Étant donné qu'ils ne sont pas faits comme nous, il faut savoir que chaque peuple a reçu une sharia différente, une législation différente. Pourquoi? Parce que l'époque n'est pas la même et les gens ne sont pas les mêmes. Jusqu'à notre époque, mais cela restera حتى تقوم الساعة. Alors il se peut que les djinns, avec le hal dans lequel ils sont, étant donné qu'ils sont créés de feu sans fumée, qu'ils sont rapides, qu'ils ont de la force, qu'ils peuvent rentrer dans un être humain et en sortir, peut-être qu'à eux, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné une sharia, une législation spécifique à eux, comme il a donné des législations spécifiques au peuple d'avant. Au peuple d'avant. D'autres, ils ont dit, peut-être qu'ils adorent Allah à l'al-fitara. Ils adoraient Allah à l'al-fitara. Puisque chacun d'entre nous est créé avec la fitara, cette reconnaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. والتوحيد انواع التوحيد الثلاثه on terminera par ça inshallah. Le tawhid, l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala, elle se divise en trois catégories. Certains disent ma huwa ad-dalil? Vous dites que le tawhid, l'unicité d'Allah, elle est de trois formes. Sur quoi vous vous basez? C'est quoi la preuve que le tawhid se divise en trois? Ma fi ad-dalil? Il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de preuve. Seulement, les ulama, lorsqu'ils ont lu le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, ils ont vu que Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de son unicité, il parle de l'unicité de lui envers sa créature. Ça veut dire qu'il est le seul seigneur, le seul roi et celui qui détient toutes choses dans son royaume. Et il le gère comme il le veut. Ils ont vu que quand Allah, azawajal, il a parlé d'unicité sur lui-même, il a parlé de ses créatures envers lui. C'est-à-dire comment ils adorent Allah. Tawhid al-uluhiyya. Wal-awwal tawhid al-rububiyya. Et la troisième chose qu'ils ont vue lorsqu'Allah Azza wa Jalla il parle de lui et de son unicité, c'est par ses noms et ses attributs. Bil asma' wa sifat. Par étude et analogie, ils ont vu, ils ont déduit que tawhid il est de trois formes. Celui qui vient et qui dit... Donc il n'y a pas de dalil. Donc ce que vous dites, ce n'est pas bon. Alors on lui dit, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen, eh bien toi, ramène-moi de dalil où c'est écrit que le Fatiha, c'est min rukn al-islam, min arkan al-salat. Ramène-moi de dalil, toi, la preuve que la Fatiha, suratul Fatiha, c'est un pilier de la prière. Ramène-moi un dalil comme ça. Ramène-moi un texte. Ramène-moi un dalil que tashahoud al-awwal, le premier tashahoud dans la prière, min al-wajibat, c'est une obligation. Ramène-moi un dalil. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les deux, c'est la même analyse. C'est selon tel texte ou tel texte, les ulama ont décrété, ont vu hein, que selon le rang de l'Fatiha, comme il est cité dans le texte, eh ben, ils en ont fait un pilier. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit, une prière où il n'y a pas le Fatiha, elle n'est pas acceptée. Donc ils ont vu que c'était un pilier. Ça ne pouvait pas être une condition de la prière. Pourquoi? Parce que le Fatiha se trouve dans la prière. Les conditions se trouvent avant l'adoration. Donc là, avant la prière. كذلك في التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة. Et c'est le même système, c'est la même analyse. Et la plus grande chose qu'Allah Azza wa Jal a interdit, comme on a dit, c'est الشرك بالله عز وجل. Or le shirk, il a plusieurs formes, comme on le verra après, inshallah ta'ala. Et on a bien vu dans cette leçon que l'auteur il a bien appuyé et commencé par le plus important, comme les prophètes ont commencé par le plus important. Combien de gens on entend qui appellent ça al-wahhabiyya, ou bien qu'ils disent al-wahhabiyya, ou bien qu'ils disent Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, huwa laysa min ahl sunnah, huwa mubtadi' wa kada wa kada wa kada. C'est des gens qui lisent même pas son livre, ils savent même pas de quoi il parle. Il a ramené quelque chose de nouveau, il a rien ramené de nouveau. Ce qu'il a ramené, c'est que c'est ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ramené avant lui. C'est ce que Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed, rahimahumallahu ta'ala, ont ramené avant lui. C'est ce que l'imam Bukhari a ramené avant lui. L'imam Bukhari, l'imam Muslim. Le premier hadith que l'imam Bukhari ramène dans son sahih, c'est quoi? C'est quoi? Le premier hadith que l'imam Bukhari a ramené dans son sahih, sahih al-Bukhari, c'est quoi? Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ya'ni an-niyya al-ikhlas. La sincérité. Yabda bit tawhid. Subhanallah. Kadhalik l'imam Nawawi rahimullah fi arba'in Nawawiyya wa fi kitabihi Ar-Riyad Salihin. Il a commencé par quoi? Le premier c'est quoi? Le premier hadith? An-niyya innama al-a'malu bin-niyyat. Kulluhum min ahli sunnati wal jama'a. Ils ne font que ce que les prophètes font. Bien sûr, là où ils ont une erreur, on ne suit pas. Quand il y a une erreur, on ne peut pas suivre la personne dans l'erreur. وَالْمَعْسُومْ مَنْ عَصَمَ اللَّهِ. N'est épargné de l'erreur que celui qu'Allah épargne de l'erreur. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Mais est-ce que ça fait que tu les sors de Ahl Sunnah? Non. L'imam Nawawi, rahimallah, وَالْعَسْقَلَانِ rahimallah, ils avaient des akhta fil asma wa sifat, dans les noms et les attributs. Est-ce que les gens les ont sortis de la salafia? Ils ont sorti de Al-Sunnah. Là, hum min Al-Sunnah wal Jama'a. Sauf qu'ils avaient des erreurs. Il ne faut pas faire comme ils font Al-Haddadiyoun. Hadil Firqatu Dal. Ce groupe-là qui. Ils prennent les gens de la Sunnah, un parmi les gens de la Sunnah, bah dès qu'il a une erreur, il le sort du manhaj. Ça, il n'est plus de Al-Sunnah. Pourquoi est-ce qu'il a fait une erreur? Non. Il y a une différence entre quelqu'un qui est sur la Sunnah et qui fait une erreur. Et quelqu'un qui a fait une erreur, mais il n'est pas de la sunna. C'est une différence. Il y a une différence entre un mubtadi', un innovateur, et quelqu'un qui est de Ahl Sunnah, mais qui a fait une erreur. Pourquoi l'autre est devenu mubtadi'? Parce qu'il a rejeté toutes les preuves. Toutes les preuves, il les a rejetées. Alors il est devenu mubtadi'. Alors que celui qui fait une épreuve de Ahl Sunnah, ça reste quelqu'un de la sunna, mais qui a une ou des erreurs. Jusqu'à ce qu'il revienne sur ses erreurs. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Barakallahu li wa lakum.